Ces cinq derniers ans, depuis la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, les Sud-Coréens ont exprimé vivement leur vénération. Les masses médias, y compris Yonhap News, KBS, MBC et SBS, ont présenté avec les photos du maréchal Kim Jong-un que les pensées et les décisions du dirigeant suprême sont destinées à appliquer les recommandations des leaders précédents. En 2013, 40 presses principales sud-coréennes ont présenté plus de 2000 photos du maréchal Kim Jong-un dans ses activités révolutionnaires de Songun et plus de 1800 informations. Elles ont souligné que le nombre d'inspections du commandant suprême Kim Jong-un aux unités militaires s'accroît chaque année. Les presses et les habitants sud-coréens de divers milieux ont indiqué qu'à l'époque de Kim Jong-un, le Nord s'avance vigoureusement avec la conviction que son objectif d'édification d'une puissance socialiste n'est pas un idéal, mais la réalité, et que l'aspect du Nord se renouvelle davantage par la politique extraordinaire symbolisant le leadership du président Kim Jong-un.